franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Ce fut comme si l'histoire, la grande histoire, ne voulait pas de lui. Witold Pilecki a pourtant été l'un des plus grands héros du XXe siècle. Mais un héros dont vous trouverez rarement le nom dans les livres, comme si tout avait été fait pour qu'il soit oublié. Parce qu'il gênait, parce que la seule évocation de son nom renvoyait à des souvenirs douloureux ou remettait en cause quelques récits officiels. Encore un mot avant d'écouter M. X. Le capitaine Witold Pilecki est le seul homme, à ma connaissance, qui ait accompli ce geste inouï, se faire arrêter par la police nazie afin de rejoindre le camp d'Auschwitz, pour savoir exactement ce qu'il s'y passait, pour témoigner, pour organiser la résistance à l'intérieur même de ce camp de concentration qui deviendra bientôt un camp d'extermination. Le plus abominablement célèbre de ces représentations de l'enfer. Mais, comme si cela ne suffisait pas, Pilecki, après avoir vécu et subi pendant plus de 3 ans l'horreur nazie, sera victime de la barbarie soviétique. Dans un instant, M. X raconte. Je pensais au capitaine Pilecki en revoyant le très beau film d'Andrzej Wajda, Katyn. Il aurait pu être l'un de ces milliers d'officiers polonais tués en 1940 d'une balle dans la nuque par les exécuteurs du NKVD, l'ancêtre du KGB, et victime de l'horrible complicité entre Hitler et Staline. Mais Pilecki, lui, a momentanément échappé au piège qui s'est refermé sur une partie de l'armée polonaise. Et il a continué le combat à sa façon, en plongeant volontairement dans l'univers concentrationnaire d'Auschwitz. Mais pourquoi aujourd'hui ne parle-t-on pas, ou peu, de cet homme? C'est ce que je vais tenter de vous faire comprendre. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Disons tout de même que le courage invraisemblable de cet officier a été tardivement reconnu. En 2010, le capitaine Witold Pilecki a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Auschwitz en reconnaissance. Je cite... des services rendus à la Pologne et de son dévouement sans limite à la patrie. J'ajoute qu'une petite zone résidentielle de cette ville tristement célèbre porte le nom de Pilecki. Oui. Maigre hommage. Il a le mérite d'exister. Il faut aussi dire que l'action exemplaire et unique accomplie par cet officier a été involontairement éclipsée par l'initiative d'un autre illustre polonais, Jan Karski. Oui. L'homme qui, après avoir eu... connaissance de la solution finale, est allé plaider la cause des Juifs jusqu'à Washington. Où il a pu s'entretenir directement avec le président Roosevelt. Mais j'y reviendrai. Alors, qui était Witold Pilecki? Ce patriote polonais est né en 1901 à Olnet, une bourgade qui se trouve aujourd'hui en Biélorussie. Il n'est pas en Pologne. Non, et ça tient à l'histoire tourmentée de ce pays, vous le savez bien. Pendant un siècle et demi, officiellement, la Pologne n'a plus existé. Exactement depuis le traité de Vienne qui a consacré son démembrement entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Mais la Russie s'emparant quand même du plus gros morceau. En effet, et la Pologne ne revivra en tant qu'État indépendant qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale. Alors, revenons à Pilecki et à sa famille. Si Witold est né hors de Pologne, de la Pologne actuelle en tout cas, c'est que son grand-père a participé à une révolte armée contre l'occupant russe. Capturé, ce petit noble a été dépossédé, envoyé en Sibérie. Et la famille a donc été déportée. Et comme les autres enfants polonais déportés, le petit Witold a été soumis à une russification forcée. Ouais. Interdit de parler polonais en public. C'est pourquoi, en 1910, la famille déménage à Vilnius, où Witold fait sa scolarité. Vilnius, qui est alors une ville de culture polonaise. Ouais, c'est un souvenir là, de l'ancienne et puissante fédération polono-lituanienne. Hein. C'est ça. Mais à l'époque, là, la Lituanie est aussi est soumise à la Russie. Et c'est pourquoi le garçon féru de scoutisme s'inscrit dans une troupe clandestine, car pour l'occupant, c'est une activité nationaliste peu appréciée. Ouais. La famille Pilecki est donc ardemment patriote. Et elle vit dans le souvenir de ce grand-père qui a pris les armes contre la troupe tsariste et rêve de la reconstruction d'une Pologne enfin indépendante. Et c'est presque naturellement que Witold, en 1919, intègre les rangs de l'armée régulière, dans la cavalerie, puis dans une unité de Uhlans. À une époque où le pays est sur la voie de recouvrer son indépendance. Et il faut alors combattre tantôt contre les bolcheviks russes, tantôt contre les Allemands. Les premiers sont repoussés, et les seconds sont obligés de se retirer à l'issue du traité de Versailles. À l'automne, le jeune homme revient à Vilnius, où il reprend son cursus scolaire, en particulier à l'école de cavalerie. Détail qui compte pour lui, au cours des combats auxquels il a pris part, il a déjà gagné une première médaille. Alors qu'il n'a pas 20 ans, hein, si je comprends bien. Et veut-il faire carrière dans l'armée ? Non, il demeurera officier de réserve et éprouvera toujours une réelle nostalgie de la vie militaire. Mais il devient agriculteur et exploite l'ancienne propriété familiale, ruinée par la guerre, afin d'aider ses parents. En même temps, il prend des responsabilités dans la société civile. Il s'occupe des pompiers, fédère les exploitants agricoles. Ouais, c'est un personnage très actif. Et un meneur d'hommes. Ouais. Mais qui est-il vraiment alors ? C'est quelqu'un d'attachant. Par ailleurs, brillant, cultivé, polyglotte, et n'est pas non plus dénué de sens artistique si l'on juge par les tableaux qu'il a laissés. Ouais. Et sa vie privée ? Il se marie au début des années 30 avec une très jolie institutrice, Maria, qui lui donnera deux enfants. Alors, à ce moment-là, la Pologne est donc indépendante pour la première fois depuis un siècle et demi. Et mais les observateurs les plus lucides devinent que le traité de Versailles n'a rien réglé et se met au contraire des ferments de haine et de revanche. La Pologne, coincée entre deux voisins qui n'ont cessé tout au long de l'histoire de convoiter son territoire, est plus menacée que jamais. Et le pacte de non-agression conclu en 1934 entre l'Allemagne nazie et la Pologne ne fait guère d'illusion. Et politiquement, le pays est soumis alors à une dictature militaire. Hein. Celle du maréchal Piłsudski, qui s'est emparé du pouvoir après les premières convulsions démocratiques de la République. Et arrive la dramatique année 1939. En avril, Hitler dénonce le pacte de non-agression. Déjà profitant de la mollesse ou de la lâcheté des gouvernements français et britanniques, il s'est emparé d'un morceau de la Tchécoslovaquie. Mais les Sudètes. Oui, et il devient évident que la prochaine victime du Troisième Reich sera la Pologne. D'autant qu'en août, l'URSS et l'Allemagne ont signé un pacte dont les dispositions demeurées secrètes prévoient un vrai partage territorial de l'Est européen. Chacune s'octroyant une partie de l'espace polonais. Et ensuite, tout va très vite. Le 1er septembre, à la faveur d'une provocation montée de toutes pièces par les services spéciaux allemands, la Wehrmacht entre en Pologne. Et à cet instant, les Polonais peuvent encore espérer que leurs alliés français et britanniques vont intervenir militairement. Il n'en sera rien. L'invasion allemande est massive. Dès la fin septembre, Varsovie est prise. Et parallèlement, l'armée rouge s'empare des territoires orientaux. Une fois de plus, la Pologne est dépecée. À l'ouest, une vaste région est purement et simplement incorporée au Reich, tandis que la partie centrale est contrôlée par un gouverneur général allemand installé à Cracovie. Et à l'est, bien sûr, l'administration soviétique règne sur les régions autrefois annexées par le régime tsariste. Et le NKVD y fait la loi avec la brutalité que vous pouvez imaginer. Ouais. Enfin, revenons à l'histoire de Pilecki. Ouais, j'imagine qu'il a été mobilisé. Dès le mois d'août, avant même l'agression nazie. Mais l'armée polonaise a été balayée. Malgré une résistance courageuse et même quelques exploits. En tout cas, face au rouleau compresseur allemand, les Polonais ne faisaient pas le poids. Mais contrairement à ce que fera Pétain quelques mois plus tard, ils ne renoncent pas à se battre. Leur gouvernement se replie en France où il reconstitue une armée de 80 000 hommes. Armée qui combattra aux côtés des troupes françaises en mai et juin 1940. Et au milieu de cette tempête, alors, que devient Witold Pilecki ? Il continue à se battre, mais en Pologne même, où il a rejoint un maquis avec ses Uhlans. Et bientôt, il passera complètement dans la clandestinité. Le volontaire, sous ce titre, l'universitaire italien Marco Patricelli consacre un livre à l'histoire de Pilecki. J'y reviendrai. À propos de la situation de la Pologne en septembre 1939, il écrit ceci. À peine au lendemain de la prise de Varsovie, le 29 septembre à 5 heures, Ribbentrop signe à Moscou avec son homologue et complice Molotov un nouveau pacte. Il s'agit du traité germano-soviétique d'amitié et des frontières qui engage hypocritement le Troisième Reich et l'URSS à rétablir la paix et l'ordre dans les territoires acquis, tout en assurant à la population une vie paisible conforme à son caractère. On décèle même une certaine symbiose dans la manière qu'ont les deux dictatures d'entretenir une forme de collaboration visant à étouffer toute forme de mécontentement ou de révolte dans les deux parties de la Pologne. Avant de voir quelle va être l'action du capitaine Pilecki dans la clandestinité, un mot sur sa famille. La propriété se trouve en pleine zone d'occupation soviétique. L'épouse de Witold et ses enfants parviennent à fuir et passent du côté allemand où réside la belle famille. Mais pourquoi ce choix ? D'abord, dans la famille, on n'a pas gardé un bon souvenir de l'occupation russe. Ouais, ouais. Ensuite, parce que, épouse de propriétaire terrien, elle a tout à craindre de l'occupant soviétique. En outre, femme d'officier, elle risque les foudres du NKVD. Ouais, des craintes justifiées. En effet, ouais. Les arrestations et les déportations se multiplient en zone soviétique. Et Staline a déjà décidé de liquider les officiers polonais. Oui, ça, ce sera Katyn. C'est-à-dire l'exécution de milliers d'officiers, oui. Un massacre que les dirigeants soviétiques attribueront imperturbablement aux nazis en falsifiant les dates. Oui, c'est-à-dire en situant la tuerie en 1941, après l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht. Alors qu'elle s'est déroulée en 1940, lorsque la Pologne était occupée par les soviétiques. Et ce n'est qu'en 1990 que Moscou reconnaîtra sa responsabilité. Oui, en disculpant les Allemands. Qui ont commis bien d'autres massacres, mais pas celui-là. Alors je reviens à Pilecki. Après avoir renoncé au maquis, alors qu'il aurait très bien pu s'enfuir en passant la Hongrie, il gagne Varsovie avec son supérieur. Les deux hommes sont décidés a créé une organisation clandestine pour poursuivre la lutte pour l'indépendance. Ouais, un mouvement de résistance. La création d'une armée secrète polonaise, placée dès le mois de novembre sous l'autorité d'un général, Stefan Rowicki-Groth. Et Pilecki a donc joué un rôle éminent dans cette création. Ça semble certain. En décembre 1939, les autorités du Reich donnent l'ordre à tous les officiers polonais de l'armée régulière ou de réserve de se constituer prisonniers, afin d'être envoyé dans des camps. En cas de refus, il risque la peine de mort. Réaction de ces militaires, là ? La plupart n'obéissent pas. Et d'abord parce qu'ils considèrent que si la Pologne a été battue, elle n'a pas capitulé. Et elle a toujours un gouvernement, même exilé. Résultat, sur 20 000 officiers qui se trouvent en zone allemande, seuls 400 se sont livrés aux Allemands. Ouais. Et les autres sont donc condamnés à se cacher. Et la Gestapo les traque. D'autant qu'elle a découvert que certains de ses officiers, comme Pilecki, on rejoint cette toute nouvelle armée secrète. Ceux qui sont pris sont emprisonnés dans un camp qui vient d'être édifié près de la petite ville d'Auschwitz. Ça, c'est le nom allemand de cette localité polonaise. Oui, le camp placé sous l'autorité d'un capitaine SS est rapidement construit par des prisonniers juifs traités en esclaves. Mais il est d'abord destiné à accueillir essentiellement des militaires polonais et quelques prêtres et étudiants. Ouais. Les déportés juifs arriveront après. La particularité de ce camp de concentration, ses capots, c'est-à-dire ses gardiens auxiliaires, sont des prisonniers de droit commun qui vont se signaler par leur cruauté et même leur sadisme. Ouais, on en trouvera aussi dans d'autres camps nazis, ça deviendra même une sorte de système. Ah, c'est exact. En tout cas, dès l'ouverture, Auschwitz rassemble des centaines de prisonniers. C'est alors au cours de l'année 40 qu'une étrange idée vient à Pilecki. Il devrait être possible d'organiser la résistance à l'intérieur même de ce camp où les militaires polonais sont traités comme des sous-hommes. Ce que sont d'ailleurs tous les Polonais pour les nazis qui ont la conviction d'appartenir à la race supérieure. Mais Pilecki a aussi une autre idée. Si un membre de l'armée secrète pénétrait dans le camp, il pourrait aussi donner des informations sur ce qui s'y passe. Ben oui, mais à condition de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Mais Pilecki se fait fort d'y arriver. Donc il se propose d'être lui-même ce volontaire. Oui. Mais dans un premier temps, son plan est jugé trop risqué par le commandement de l'armée secrète. D'autant que s'il est identifié en tant qu'officier et membre de l'armée secrète, il peut être condamné à mort. Mais le courageux Pilecki ne renonce pas. Il commence d'abord par se trouver une nouvelle identité. Dans l'une de ses planques, il trouve les papiers qu'a abandonnés là un lieutenant de réserve, Thomas Serafinski, représentant dans une agence de cosmétiques qui a lui aussi refusé de se rendre aux Allemands. Il colle sa propre photo sur la carte d'identité. Désormais, il sera Serafinski. Ouais, mais reste à pénétrer à Auschwitz. Ah ben là encore, il a la solution. Il doit se faire arrêter par les Allemands. Arrêter. Et sa hiérarchie accepte son plan ? En effet. Et un jour de septembre 40, Pilecki tombe dans une rafle à Varsovie et ne fait rien pour y échapper. Deux jours plus tard, après un voyage éprouvant dans un wagon à bestiaux, il arrive à Auschwitz. Et c'est le choc. Et que se passe-t-il ? Il est immédiatement confronté à l'horreur. Il assiste à une scène épouvantable. Une dizaine de prisonniers sont pris au hasard par les gardiens. On leur ordonne de courir vers la sortie du camp et ils sont aussitôt abattus par des rafales de pistolets automatiques. Et leurs cadavres sont abandonnés aux chiens. Ouais. Il se rend alors sans doute compte qu'il a pris des risques insensés. Ah, vraisemblablement. Quoi qu'il en soit, sa substitution d'identité n'attire pas l'attention des autorités des camps. Personne ne se doute que le prisonnier numéro 4859, c'est son numéro matricule, est un officier supérieur, membre important de l'armée secrète. Il va donc vivre dans un relatif anonymat. Ouais, un prisonnier parmi d'autres, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il mène une existence tranquille. Les coups pleuvent à tout moment, les ordres sont hurlés, les menaces permanentes. Nommé surveillant de son baraquement et donc responsable de la propreté et de l'ordre, il est envoyé dans un camp de travail, car l'un des capots l'accuse d'avoir été trop tolérant avec des prisonniers malades. Et les conditions de détention deviennent de plus en plus dures. Mmh. Il y a une raison ? Oui, un officier a réussi à s'évader. Aussitôt, les mesures de sécurité sont renforcées. On installe une deuxième ligne de fils barbelés et des clôtures électrifiées. Mais ce sont les camarades du fugitif, dont Pilecki, qui paient le prix fort. Ils sont systématiquement passés à tabac. Malgré tout, a-t-il commencé à organiser la résistance ? Eh oui, et j'y viens tout de suite. Mais dès le mois de novembre, il a aussi réussi à faire passer un premier rapport sur le camp à l'extérieur. Et comment alors ? Tout au long de sa détention, Pilecki trouvera toujours le moyen d'informer ses supérieurs de l'armée secrète. Il confie par exemple ses rapports oraux, bien sûr, car il ne peut pas prendre le risque de les écrire, aux rares prisonniers libérés ou à des civils, des contremaîtres ou chefs de chantier qui ont l'autorisation de pénétrer dans le camp. Ouais. Des rapports oraux, dites-vous. Hein. Que ces messagers doivent donc apprendre par cœur. Puis, et grâce à un mot de passe que leur a donné Pilecki, ils peuvent ensuite délivrer ce rapport. Mais bien sûr, tout cela est long et compliqué. Un seul exemple. Ce rapport de novembre 1940 ne parviendra à Londres, où le gouvernement polonais en exil s'est réfugié, qu'en mars 1941. 5 mois, alors. Et il n'empêche que c'est le premier rapport sur le camp d'Auschwitz qui parviendra aux Alliés. Mmh. Et aucun de ces messagers ne le trahira ? Jamais, non. Mmh. Alors maintenant, le réseau de résistance là, à l'intérieur du camp. Pilecki procède avec prudence. Il constitue des cellules de 5 hommes. Chaque groupe ignorant l'existence des autres. Ouais, un cloisonnement étanche, mais enfin, il faut bien une direction quand même. Naturellement, cette autorité supérieure ne comporte que quelques hommes. Par exemple, un colonel affecté au bureau des constructions, un médecin capitaine qui travaille comme infirmier à l'hôpital des prisonniers et qui est membre de l'armée secrète depuis sa création. Il y a aussi un sous-lieutenant qui a été nommé responsable du bloc hôpital, accueillant les détenus atteints de maladies infectieuses. Et encore un capitaine de cavalerie, appartenant lui aussi à l'armée secrète. Tous ont prêté serment devant Pilecki. Mais concrètement, que peuvent faire ces hommes qui sont prisonniers ? Pilecki leur a assigné 2 objectifs. Premièrement, ils doivent apporter un soutien moral et matériel aux détenus malades, dénutris ou qui souffrent du froid terrible de l'hiver. Une action de solidarité. Quoi. Mais Pilecki pense également à l'avenir. Ces cellules doivent aussi préparer des plans pour se rendre maître du camp dans le cas où un événement extérieur le permettrait. Quoi ? Bah, une attaque aérienne conduite par les Alliés. Bah, ça n'arrivera jamais, ça. À une seule fois, une brève incursion dans le ciel d'Auschwitz et le largage de 2 bombes. Ouais, pas grand-chose, donc. Hein. Et aujourd'hui encore, on s'interroge à ce propos. Pourquoi les Alliés, pourtant précisément informés de l'ampleur des massacres qui se perpétraient à Auschwitz, grâce à Pilecki ou à Karski, entre autres, n'ont jamais utilisé l'arme aérienne pour mettre fin à ces horreurs. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Un mot sur le caractère bien trempé de Witold Pilecki. Dans le livre déjà cité de Patricelli, j'ai trouvé ce jugement émis par l'un des camarades de détention de l'officier, un avocat nommé Garlinski, membre lui aussi de l'armée secrète. Pilecki savait juger les hommes. Il possédait un instinct qui l'a rarement trompé. Il réfléchissait longuement avant d'agir. Dans un premier temps, il pensait établir des contacts entre tous ceux qu'il savait appartenir à l'armée secrète polonaise. Il comprit très vite qu'il était préférable de choisir des hommes capables de se fondre dans la masse et surtout dont le passé ne serait pas connu du département politique. C'est la raison qui le fit renoncer au moins au début aux officiers supérieurs emprisonnés sous leur vrai nom. Si les SS avaient subodoré quelque chose, leurs soupçons se seraient immédiatement tournés vers eux. Pour réaliser les objectifs qu'il s'était fixés, Pilecki a donc demandé à ses recrues d'infiltrer en priorité le bureau de répartition de la main-d'œuvre et surtout l'hôpital. Ouais, pour apporter un soutien aux prisonniers en détresse. Bien sûr. Pilecki lui-même travaille dans la zone industrielle, car le camp d'Auschwitz ne cesse de s'agrandir. Et ce sont les prisonniers qui édifient les nouveaux blocs de baraquements ou encore le four crématoire où sont brûlés les corps des hommes qui sont exécutés. Ces travaux de construction extérieure sont épuisants et nombre de détenus y laissent la vie ou tombent malades. Or, la maladie à Auschwitz, c'est la mort assurée. Pilecki trouve un apaisement relatif grâce à un Allemand qui accepte de l'accueillir dans son atelier de charpenterie. Et pourquoi est-ce un apaisement, ça ? Parce que dans l'atelier, il fait chaud. Et à Auschwitz, c'est un véritable luxe, une petite assurance d'échapper à la maladie, et même de recevoir une ration supplémentaire de soupe. Pilecki en profite pour structurer son réseau, établir de nouveaux rapports et infiltrer trois taupes dans un endroit stratégique. Le bureau du département politique, là où sont rangés tous les documents officiels du camp. Mais tout a une fin. Et en mars 1941, Pilecki est chassé de l'atelier de charpenterie. Et en même temps, il frôle la catastrophe. C'est-à-dire ? Un bureaucrate SS du camp, qui a sans doute eu en main le vrai dossier du lieutenant Serafinski, trouve que le détenu 48-59 ne ressemble pas à la photo qui y figure. Mais habilement, Pilecki prétend que le jour où il a été photographié, il avait la figure boursouflée. Ah, il s'en sort comme ça ? Oui. Autre alerte. On s'étonne. Il n'écrit jamais à sa famille. Et c'est vrai ? Bien sûr. Il sait que toutes les lettres sont lues. Donc, il ne veut pas compromettre son épouse et risquer que sa véritable identité soit par la même révélée. Mais là encore, face au SS qui l'interroge, Pilecki invente une explication un peu embrouillée. Et ça passe ? De justesse, oui. Ouais. Et lui, au fait, a échappé à la maladie ? Ah non. En août 1942, il sera victime du typhus. Et pour les malades, cette contamination mène tout droit à la chambre à gaz. Mais il est sauvé par la solidarité entre résistants et il a trouvé suffisamment de force en lui pour résister au mal. Toutefois, comme ses camarades, il est tout au long de sa détention obsédé par la nourriture. Et il découvre à l'occasion que tout peut être mangé. Même, écrira-t-il, les pots de tannage. Ouais, les pots de tannage. Les SS du camp soupçonnaient-ils l'existence de ce mouvement de résistance au sein du camp ? Assez vite, oui. Et la Gestapo d'Auschwitz utilise les moyens les plus brutaux pour découvrir les meneurs. Mais Pilecki, malgré plusieurs alertes, ne sera jamais dénoncé, même quand certains de ses camarades seront torturés. Au milieu de l'année 1941, de nouveaux prisonniers arrivent, toujours plus nombreux. Ce sont des soldats de l'armée rouge, capturés lors de l'invasion de l'URSS. Et à l'image des Polonais, ils sont considérés par les gardiens comme des sous-hommes qu'on peut brutaliser et même tuer à volonté. Pilecki va en recruter ? Non, le mouvement de résistance reste polonais. Et Pilecki veille à ce qu'il demeure uni. Pilecki, qui par ailleurs, fin 1941, est officiellement nommé par Londres adjoint du général Rovetsky Groth, le chef de l'armée secrète. Au moment même où il est à son tour victime d'un violent tabassage, dont il mettra des semaines à se remettre. Mais c'est l'année 1942 qui, de l'aveu même de Pilecki, est la plus terrible, mais aussi du point de vue de son organisation la plus intéressante. Pour quelle raison ? En février 1942, Il parvient à infiltrer des hommes à la station radio du commando. Mais, initiative assez folle, une des cellules cultive des poux, infestés du typhus, dans l'infirmerie des détenus. Mais cultiver des poux, dans quel but ? Contaminer les SS. C'est une véritable tentative de guerre biologique, en somme. Effectivement. Et au moins un des médecins SS du camp en mourra. D'autre part, Pilecki ne cesse de faire grandir son organisation clandestine qui compte maintenant des dizaines de membres. Peut-être même des centaines. Mais en 1942, c'est aussi l'année où les déportations des Juifs dans les camps deviennent massives. Oui, Auschwitz devient un camp d'extermination. Et on a construit dans l'annexe de Birkenau de nouvelles chambres à gaz. Le réseau de Pilecki recueille le maximum d'informations sur le massacre des Juifs et les méthodes d'extermination de masse. Oui, afin de les faire connaître au monde entier. Et parallèlement, il aide à la constitution d'un réseau de l'organisation à Birkenau. Réseau qui inclut des Juifs. Car Pilecki, qui arrive à tisser des liens réguliers avec les sections de Cracovie et de Silésie de l'armée secrète, rêve toujours d'une insurrection qui serait appuyée par les résistants de l'extérieur ou par un raid aérien. Et justement, le bref raid aérien des Alliés en 1942 lui permet d'espérer. Oui, mais il n'y en aura pas d'autres. Toutefois, Pilecki continue à y croire. L'organisation se livre maintenant à des sabotages. Les SS ripostent, fin 1942, en procédant à des exécutions de masse pour essayer de juguler la résistance. Ce qui provoque un début de révolte. Pilecki est alors certain que le temps de l'insurrection est venu. Mais son espoir est vain. Sans aide extérieure, les résistants du camp ne peuvent pas gagner. D'autant que les SS ne cessent de les traquer. Ouais, afin de démanteler l'organisation de Pilecki. Et de s'emparer de ses chefs, oui. En janvier 1943, puis en mars 1943, des prisonniers polonais sont raflés par milliers et envoyés vers les usines d'armement ou d'autres camps. Pilecki en réchappe à chaque fois. Mais son organisation est maintenant considérablement affaiblie. Et lui-même, en tant que chef, risque d'être démasqué malgré la protection que lui offrent ses camarades. Mais surtout, il se rend compte qu'en dépit de ses efforts, il ne parviendra jamais à susciter cette insurrection qu'il appelle de tous ses voeux. Mmh. Alors, que décide-t-il ? Impuissant, il décide de tout tenter pour s'enfuir. Mais c'est aussi, malgré tout, un constat d'échec. Oui et non. Oui, parce qu'il n'est pas arrivé à convaincre ses camarades de l'extérieur d'attaquer le camp. Non, parce que grâce à lui, les Alliés savent la vérité sur les horreurs d'Auschwitz. Ouais. Pourtant, ils ne feront rien pour les faire cesser. Hein. C'est une autre question dont nous avons parlé autrefois. Mais si vous le voulez bien, je poursuivrai la semaine prochaine ce récit à propos de Witold Pilecki. Parce que la suite de sa courte vie n'est pas moins surprenante et dramatique. Je vous rappelle la récente parution du livre de Marco Patricelli, Le Volontaire, paru chez Jean-Claude Lattès, et aussi le récit essentiel de Hermann Langbein, réédité par Tinlandier en poche, Hommes et femmes, Auschwitz. Un samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé, comme d'habitude, cette émission réalisée par Michel Billou et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, un peu de verre et d'oxygène, CO2 mon amour de Nani Chessou.